Puis les gens qui ont de la technique, les gens, surtout les ingénieurs, les tissus qui sont dans la technique, dans la science, qui sont plus dans cette vibration-là, ils en passent un mot au 10 quarts d'heure. Parce que c'est dur à sortir de ça. Parce qu'ils l'ont en vibration. Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui est à bel oeil, là? Garon, j'ai le garon. Il l'a en vibration. C'est-à-dire quand il veut te créer, il appelle ça des bidules, quand il veut créer des bidules, des gadgets, ça coule dans l'esprit. À un certain moment, il met un bloc. L'intelligence créative. Puis c'est une grande souffrance pour ces gens-là. Quand tu n'as pas cette vibration-là, tu souffres d'autres choses. Mais quand tu as cette vibration-là, tu souffres de ça, je te jure que tu en souffres tout le temps. Là, ça, parce que ça marche tout le temps. Il y a un écran mental, puis il veut créer une patente, il avoue, puis là, il travaille dessus, puis il travaille, puis après ça, il bloque. Fait que c'est une souffrance. Ils ne sont pas intéressés à ce qu'on descende, à ce que la science descende sur la Terre encore. Ils sont intéressés à ce qu'on devienne conscient, puis après ça, la science descendra sur la Terre automatiquement. Sans ça, on ferait un fiasco avec nos émotions. Moi, j'ai vu des machines, là, que, des machines qui vont servir à l'homme en l'an 2080. Vous n'allez pas que ça soit sur la tête tout de suite. Je dis que Gerald Motor fera faillite tout à l'heure. Qui me permettait même pas rentrer dedans, bon. Regardez, il faudrait que j'y voie à distance, monsieur. Là, pour au mur. Mais rentrer dedans, non. Je ne pourrais même pas rentrer dedans. Pas que tu en connaisses trop les secrets. Vous avez fait me foncer sur la gasoline. Sur l'énergie solaire aussi. Wow, c'est pas l'énergie solaire, c'est l'énergie éthérique. Nous, on va faire des expériences sur l'énergie solaire. On va s'en prendre l'énergie solaire pour faire des tests. Bon, mais ça, c'est la mode. Partout aux États-Unis, c'est la même chose. L'énergie éthérique. Ils te permettent même pas de rentrer dedans. Moi, j'en ai pas d'imagination. Ils veulent pas qu'on en sache trop. Parce que l'ego rentre dedans. Puis il rentre. C'est quelque chose, l'ego. C'est... Moi, j'ai vu des maisons. Tu croiras pas des maisons. Ça se pense même pas des maisons de même. Des maisons, tu t'en vites, tu tiennes tout seul. Puis la vitre, pas des affaires comme on a aujourd'hui, des pleins de glace. La vitre. C'est extraordinaire. Toujours rêvé d'une maison en vitre. Des femmes que tu peux même pas t'imaginer. Des femmes que tu peux même pas t'imaginer. Possible. Les gens qui sont pognés dans l'illusion de la science cosmique, je te dis qu'ils ont un chemin à faire. Tu commences à créer cette illusion-là pour prendre un cours. Là, tu souffres. Moi, je sais que plus on avance, plus ils désengagent l'ego, puis ils désengagent, puis ils désengagent, puis ils désengagent. D'ailleurs, c'est rien que ça qu'ils font. L'initiation solaire, c'est le désengagement de l'ego au bout. C'est le désengagement de l'ego. Tu t'as beau dire, maudit, c'est assez, là, je suis assez désengagé, là. Il te désengage encore. Tu sais, tu comment est-ce que c'est? Tu sais, tu regardes une table, tu dis, ah, c'est propre la table, mais regarde avec un microscope, un crotté, mais c'est la même chose. On pense qu'on est bien clean. Quand tu te regardes au microscope, tu t'aperçois que t'es pas clean, pis c'est ce que c'est le microscope, c'est les expériences. Ha! Ça... Souvent, t'es bien solide, comprends-tu, là. T'es bien conscient. Pis là, tu tombes une tuile sur la tête, paf! Tes émotions montent en surface. Tu t'aperçois que tu n'as de poussière dans les oreilles. On se pense solide, t'sais, on se pense fort. Je vous le dis bien, maudit, je vous le dis bien. Thank you.